Se mouiller, nos frères sont écroués. Pour défendre la cité, ils reviendront cagoulés. Et on vit comme des bandits, bandits. Donc on mourra comme des bandits, bandits. HLM précarité, grave par nécessité. Écrire tout ça c'est inné. Mais aujourd'hui j'ai grandi, j'ai compris. C'est bientôt terminé. Je te raconte la rue sans maquillage, au naturel. L'avenir paraît cruel, je pourrais canner dans ma ruelle. Ce que c'est des millions, donc on dort après Cendrillon. Et tout est gris dans le cendrier. Faire des gros sous sans crier pour pas se griller. Je ne contrôle plus mon crayon, le seum remplit le papier. Ma balle se dirige vers les tiens, pour sauver la peau des miens. Car si je suis bien, c'est qu'ils sont bien. À la base, on n'avait rien. À la base, on n'avait rien. Juste des ennemis par milliers. Allongé sur le canapé, maman paraît fatiguée. Allongé sur le canapé, maman paraît fatiguée. Bientôt tout ça c'est terminé, bandit. Bandit, ah, ah, bandit. À force de trop se mouiller, nos frères sont écroués. Pour défendre la cité, ils reviendront cagoulés. Et on vit comme des bandits, bandits. Donc on mourra comme des bandits, bandits. HLM précarité, grave par nécessité. Écrire tout ça c'est inné. Mais aujourd'hui j'ai grandi, j'ai compris. C'est bientôt terminé. Ouais j'ai grandi près des bandits. Père qui se daronne en crise. Midi minuit, midi minuit. Mes frérots faut tourner l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'amour du bif entraîne le bif. C'est Pequeño, Tony. À la fin je ne vois rien de joli. Et les riches ne sont pas les plus gentils. Les plus gentils mangent des cailloux. Train de vie de bandit, train de vie de voyou. Écoute ce son quand t'es calé. T'as la nuit la voiture carrée. Il est bientôt minuit passé. La lune est pleine chez les loups-garous. Certains ne sont plus vivants. Ils sont partis sans revenir. Et toi rattrapé par le temps, la prison t'a fait vieillir. Bandit, bandit, oh, oh, bandit. À force de trop se mouiller, nos frères sont écroués. Pour défendre la cité, ils reviendront cagoulés. Et on vit comme des bandits, bandits. Donc on mourra comme des bandits, bandits. HLM précarité, grave par nécessité. Écrire tout ça c'est inné. Mais aujourd'hui j'ai grandi, j'ai compris. C'est bientôt terminé. À force de se mouiller, nos frères sont écroués. Pour défendre la cité, ils reviendront cagoulés. Et on vit comme des bandits, bandits. Donc on mourra comme des bandits, bandits. HLM précarité, grave par nécessité. Écrire tout ça c'est inné. Mais aujourd'hui j'ai grandi, j'ai compris. C'est bientôt terminé.